Humeur de Guillermo Quiz. Yeah. Calmez-vous. Bonjour les amis. Voilà, sans vouloir plomber une ambiance déjà inexistante, reconnaissons quel chien gâle. Tout de même aux atrocités d'Alep, du Yémen, du Congo et plus généralement à la violence, à l'injustice sociale et aux catastrophes climatiques le mérite de nous poser cette question. Le dieu actuel doit-il être reconduit dans ses fonctions? Le dieu le dieu actuel, absolument. Ah, oui. Une question qu'ils sont nombreux à se poser dans ma tête quand je mange des nuggets de drogue dure. Et croyez-moi, on est en décembre, c'est la saison. Mais question qui ne manque pas de la légitimité des braves dans ces périodes d'horreur généralisées où prédomine cette espèce d'affreux sentiment d'impuissance, pour paraphraser la vie sexuelle de Nagui. Alors, fondamentalement, d'un point de vue purement personnel, je ne crois pas en Dieu, je dois le dire. Si Dieu existait, Penelope Cruz serait sur mes genoux dans 3, 2, 1. Ouais. Voilà. C'est quand même pas si compliqué que ça à démontrer. Hein. Parfois, les gens font un foin pour tout et n'importe quoi, quand même. Bon, désolé pour nos auditeurs qui pensaient rejoindre le Tout-Puissant dans les prochains mois. Ce sera un grand vide, tout froid, à la place. Et ouais, l'au-delà, c'est pas le paradis, c'est le programme d'Emmanuel Macron. C'est comme ça. N'empêche, voilà, vous imaginez les réactions dans le monde entier si le mystère de l'existence de Dieu était élucidé par un Belge. Mais genre, ça aurait été entendu pour Dieu. Bah ouais, apparemment, c'est un Belge qui a découvert le truc. Ah, c'est moche, quoi. Et donc, quoi, Dieu, ça casse pas trois pattes à un canard, finalement? Bah si, ça va, quoi. Apparemment, il a des pouvoirs et tout, mais moins que ce qu'on croyait, quoi. Enfin, genre, il connaît 11 langues et il arrive à faire le moonwalk vers l'avant, mais pas plus, quoi. Je crois que tout le monde serait déçu que ce soit un vieux bruxellois tout pourri qui perce enfin l'énigme des énigmes, quoi. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, j'avais parié PSG-Barça en 8e finale de la Ligue des Champions. Ah, t'avais parié ça? Eh ouais, donc chacun tire les conclusions qu'il tire. Voilà, voilà. Non, évidemment, l'humilité me fait dire. Tu es Dieu, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que mes prédictions ne sont pas toujours. Voilà. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Ce que je veux dire, l'humilité me fait dire, évidemment, que sur les enjeux théologiques majeurs comme l'existence de Dieu ou la puberté tardive chez les enfants de cœur, il n'est pas inenvisageable que je me trompe. Va savoir, évidemment, il y a des milliards de croyants. Vraisemblablement, ils ont peut-être raison, ce qui nous ramène à notre question initiale. Après 4 milliards 500 millions d'années passées sans interruption à la tête de cette planète, peut-on encore considérer le dieu actuel comme le candidat du changement et de la modernité? Ouais, les nuggets étaient costauds, le dealer, il s'est pas foutu de ma gueule. Enfin voilà, parce que bon, on a fait chier François Hollande sur son bilan, mais franchement, c'est un massage à finition manuelle à côté des crasses que le dieu actuel a sur la conscience, comme le disait récemment Wikipédia. J'espère qu'il a une bonne excuse. Alors, bon, j'ai bien compris que dans la métaphysique traditionnelle, on n'était pas tout de suite sur une dynamique d'alternance démocratique, mais pourquoi ne pas imaginer un jour la mise en place d'une espèce de grande primaire de l'au-delà, où toutes les divinités défendraient leur chance dans un débat contradictoire présenté par feu Jean-Pierre Elkabbach, paix à son âme, d'ailleurs, hein, t'aurais le dieu sortant qui serait attaqué de toutes parts pour la guerre, la faim, la colonisation, le terrorisme, et qui, comme dans tout bon débat du genre, se défendrait en appelant à ne pas tomber dans la caricature, parce que ce n'est pas ça que les gens veulent entendre. Ce qu'ils veulent, ce sont des actes, et pas de la politique politicienne, évidemment. Il serait obligé de défendre les réussites de son mandat, hein, la photosynthèse, la roue, la pénicilline, Internet, Lila Kadeo-Boudadi. Ah, une réussite, avec ses concurrents qui lui font « Oui, d'accord, mais bon, Daniel Morin, comment pouvez-vous regarder les humains dans les yeux et leur dire que ça n'arrivera plus ?» Comment ne pas vous considérer comme le candidat du système? Et là, sur Daniel Morin, le dieu sortant minimiserait, parlerait d'épiphénomène, de ratage en marge, qui ne serait pas représentatif du travail de toute une administration, ne tombe pas dans la démagogie, qui ferait le lit du populisme athée. Moi, je trouverais ça vraiment juste une primaire des dieux, parce que là, je crois qu'on est vraiment mûr pour le changement. Enfin voilà, je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, mes questionnements sous Nuggets. Je retourne percer le mystère de la vie dans mon coin. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. Bravo. La bande originale. Oh, c'est une très bonne idée à exploiter, en tout cas. Très très bonne idée. Primaire de l'au-delà. C'était Woody Allen qui avait dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il y a une bonne excuse. » Ça s'est attribué à Woody Allen, mais c'est pas sûr, sûr à 100%. Ah, ok. Absolument. Apparemment, ce serait Baudouin, le roi des Belges, qui l'aurait dit. Ouais. Ils sont partout.